Chapitre 11. Tout le monde peut-il devenir chrétien? Il y a un verset dans la Bible que vous avez sûrement déjà entendu à un moment ou à un autre de votre vie. Il s'agit de Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce chapitre traite de ce mot encourageant, quiconque. C'est un mot totalement inclusif, n'est-ce pas? Il n'exclut personne. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait. Les psychologues parlent parfois de notre besoin universel de connaître l'amour inconditionnel. Eh bien, ce texte célèbre nous dit que c'est exactement le genre d'amour que Dieu nous montre en Jésus. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens ont parfois du mal à accepter cela. La première est que nous avons été élevés dans une culture qui dit que vous ne devriez obtenir que ce que vous méritez. L'étudiant qui réussit l'examen mérite son diplôme parce qu'il a étudié avec assiduité pour l'obtenir. L'athlète qui remporte la course mérite son prix parce qu'il a consacré beaucoup d'efforts à s'entraîner pour cela. L'homme d'affaires qui réussit mérite sa richesse parce qu'il a travaillé longtemps et dur pour la gagner. On nous a lavé le cerveau avec cette idée depuis notre enfance. On ne devrait obtenir que ce qu'on mérite. C'est bien sûr pour cette raison que tant de gens ont l'idée erronée qu'on devient chrétien en accomplissant de bonnes œuvres d'une manière ou d'une autre. Nous voulons désespérément sentir que nous méritons l'approbation de Dieu. Et cela est étroitement lié à l'autre raison pour laquelle nous avons du mal à accepter le véritable message chrétien, notre orgueil. Je me souviens que lors de ma dernière année d'études, je me suis retrouvé complètement fauché et sans endroit où vivre, car il n'y avait plus de place dans la résidence universitaire. Ainsi, au cours du dernier trimestre de l'année précédant mon diplôme, j'étais devenu un sans-abri. Comme vous pouvez l'imaginer, ma confiance en moi en a pris un coup. L'un de mes meilleurs amis, Marc, vivait chez ses parents. Il m'a proposé de m'héberger chez lui pendant quelques mois jusqu'à la fin de mes études. Au début, j'ai refusé. Je ne voulais pas accepter sa charité. Mais quand j'ai pensé que je devrais vivre dans ma voiture pendant le dernier mois froid de l'hiver, j'ai réalisé qu'il était stupide de refuser cette générosité juste pour préserver mon ego. J'ai donc accepté l'offre, un peu à contre-cœur, et tout s'est mieux passé que je ne l'aurais imaginé. Même si sa famille ne me connaissait pas du tout, ils ont été incroyablement gentils. Je leur serai éternellement reconnaissant pour leur hospitalité. J'ai appris une leçon importante cet hiver-là. Ne jamais laisser la fierté empêcher les autres de vous aider. Je pense que c'est une leçon que certaines personnes n'apprennent jamais vraiment. Vous vous souvenez, Maddy et Izzy, quand nous avons aidé la soupe populaire de Saint-Vincent à Melbourne, un Noël. L'un des sans-abri à qui vous avez parlé ne voulait pas recevoir de nourriture d'un bénévole. Il était très fier de lui parce qu'il avait réussi à se reprendre en main pendant un court moment, avant de tout perdre et de se retrouver à nouveau dans la rue à cause de sa toxicomanie. Je suis sûr que vous vous souvenez à quel point il vous a exhorté à rester loin de la drogue. C'était une personne très tourmentée, n'est-ce pas? Comme ma réaction initiale à l'offre de Marc, il avait besoin d'aide, mais était trop fier pour l'accepter. Certaines personnes semblent incapables d'échapper à ce piège. Elles préfèrent refuser la grâce de Dieu plutôt que de renoncer à leur fierté et l'accepter. Le résultat de notre obsession humaine pour le désert et l'orgueil est que nous mettons des limites à la volonté de Dieu d'aimer inconditionnellement. Ce mot encourageant, quiconque, est effacé et remplacé par une sorte de clause conditionnelle. Vous ne pouvez devenir chrétien que si vous remplissez telle ou telle condition. Dans l'esprit de beaucoup de gens, je pense que tout cela se confond avec la question de la repentance. Nous en dirons un peu plus à ce sujet dans le chapitre suivant, lorsque nous parlerons du prix à payer pour devenir un disciple chrétien. Tout ce que nous avons à dire ici, c'est que si quelqu'un devient véritablement chrétien, son comportement changera. L'esprit de Jésus le rendra vivant en Dieu d'une manière nouvelle, ce qui transformera son cœur, le rendant sensible au péché dans sa vie. S'il se rend compte que Dieu n'était pas satisfait de quelque chose dans sa vie antérieure de non-chrétien, il découvrira en lui une nouvelle force morale qui le poussera à changer à l'avenir. Nous appelons ce désir intérieur de réforme morale repentance. Et c'est la raison pour laquelle le comportement moral d'une personne s'améliore toujours lorsqu'elle devient un vrai chrétien. Mais il est essentiel de comprendre que ce changement de comportement est le résultat d'une expérience de la grâce de Dieu, et non d'une bonne action qui le mérite. C'est ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. La preuve morale que l'Esprit de Jésus a vraiment pris place dans une vie. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Peut-être avez-vous entendu l'histoire d'un alcoolique ou d'un toxicomane qui s'est rétabli. Nombreux sont ceux qui témoignent de la façon dont le fait de se tourner vers Jésus a brisé l'emprise de ses habitudes autodestructrices, alors que la médecine humaine et les consultations psychologiques avaient complètement échoué. Écoutez attentivement ces témoignages et vous constaterez qu'ils attribuent toujours le mérite de cette transformation à Dieu seul. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait pour se sauver eux-mêmes, c'est ce que Dieu a fait lorsqu'il est entré dans leur vie. Au cours de mon parcours personnel en tant que chrétien, je sais que Dieu m'a transformé à bien des égards. Les tentations auxquelles je ne pouvais jamais résister, le mauvais caractère que je ne pouvais contrôler, l'envie matérialiste que je ressentais, tout cela a disparu lorsque Dieu a changé mon cœur. Je sais que je ne suis pas parfait. Le changement que Dieu opère implique un processus de croissance spirituelle qui s'étend sur le temps. Mais je pense que vous savez que je suis très différent aujourd'hui de la personne que j'étais autrefois. Et je ne saurais trop insister sur le fait que c'est l'œuvre de Dieu en moi, et que je ne me suis pas amélioré pour que Dieu me bénisse, mais au contraire, il m'a béni en faisant de moi une meilleure personne. Nous nous confrontons cependant à un problème concernant certains types de comportements que tous les chrétiens ne considèrent pas comme péché. Nous en reparlerons plus en détail au chapitre 14, lorsque nous aborderons les raisons pour lesquelles les chrétiens sont parfois en désaccord. Il suffit ici de noter que selon laquelle chaque chrétien est libre d'obéir à sa propre conscience devant Dieu. Nous n'avons pas le droit d'exclure quiconque de la grâce de Dieu parce qu'il ne respecte pas nos règles. Dans l'Église primitive, il y avait beaucoup de tensions sur la question de savoir dans quelle mesure un chrétien devait obéir à la loi juive, voire Actes 15, 1 à 2. De nos jours, un légalisme similaire peut rendre difficile l'acceptation par la communauté chrétienne de personnes issues d'un milieu culturel ou religieux différent. L'un de mes mentors est Aaron Budgen, qui est pasteur et enseignant de l'Évangile, et qui possède sa propre station de radio et son propre site web basé à Colorado Springs aux États-Unis. Ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il était autrefois rabbin juif. Lorsqu'il a commencé à croire que Jésus était le Messie, il a été très rejeté par sa propre communauté. Mais dans quelle mesure devait-il changer? Devait-il cesser de fréquenter la synagogue? Devait-il cesser de célébrer les fêtes juives comme la Pâque? Devait-il faire circoncire ses enfants? Devait-il manger du porc? Aaron a changé à bien des égards, mais tous les chrétiens ne sont pas d'accord avec la manière dont il a cherché à concilier sa culture juive avec sa nouvelle identité chrétienne. J'ai toutefois compris que ce n'était pas à moi de dire à Aaron ce qu'il devait faire. Les réponses à ces questions ne concernent que lui et Dieu. Personne n'a le droit de dire « Aaron, tu ne peux devenir chrétien que si tu suis nos règles. » Permettez-moi de vous donner un exemple encore plus controversé. Je connais un auteur britannique et ancien pasteur dont les livres et les enseignements m'ont inspiré. Il s'agit de Roy Clements. Je crois sincèrement que Roy est un homme de Dieu. Mais j'ai récemment découvert qu'il était homosexuel. J'ai dû réfléchir à cela. Cela signifiait-il que j'avais été induit en erreur et qu'il ne pouvait finalement pas être un véritable chrétien? Une fois encore, j'en suis arrivé à la conclusion que je ne devais pas le juger. Tout comme la judéité d'Aaron, cela relève de la relation entre Roy et Dieu. Je sais que certains chrétiens considèrent que toute expression de l'homosexualité est un péché, et affirment donc qu'aucune personne homosexuelle pratiquante ne peut devenir chrétienne. Mais qui sommes-nous pour juger cette question controversée? C'est le serpent dans le jardin d'Éden qui a tenté Ève en lui faisant croire qu'elle pourrait être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voir Genèse 3:3. Je ne crois pas que notre rôle soit de juger si les autres sont des pécheurs ou non. Nous devrions plutôt nous réjouir de partager le merveilleux message de l'amour inconditionnel de Dieu. Permettez-moi donc de répéter ce célèbre passage « Quiconque », c'est tellement important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.